Chapitre 3. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que déclare celui qui possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, affermis ce que tu as encore, avant que cela ne vienne à mourir complètement. Car j'ai remarqué que tes actions ne sont pas parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et rappelle-toi comment tu l'as entendu. Obéis à cet enseignement et détourne-toi de tes péchés. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai. Cependant, quelques-uns des tiens, à Sardes même, n'ont pas sali leurs vêtements. Ils marcheront avec moi habillés de blanc, car ils en sont dignes. Ceux qui auront remporté la victoire seront ainsi habillés de blanc. Je n'effacerai pas leur nom du livre de la vie. Je déclarerai devant mon Père et devant ses anges qu'ils m'appartiennent. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui possède la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu as fait. Je sais que tu as peu de puissance, et pourtant tu as obéi à ma parole, et tu m'as été fidèle. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir se mettre à genoux devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Puisque tu as gardé mon ordre d'être patient, moi aussi je te garderai du temps de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je vais venir bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne le prix de ta victoire. Je ferai de celui qui est vainqueur une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel d'auprès de mon Dieu. J'écrirai aussi sur lui le nom nouveau que je porte. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu as fait. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Combien j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Mais parce que tu es tiède, c'est-à-dire ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, dis-tu. Je ne manque de rien, mais tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu, pour que tu sois riche. Achète aussi des habits blancs pour t'en revêtir et cacher ta honteuse nudité. Et achète également un remède à mettre sur tes yeux pour que tu puisses voir. Je corrige et je punis tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et détourne-toi de tes péchés. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi sur mon trône, tout comme moi j'ai remporté la victoire et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises.